personne. Pourquoi personne? Tu bon verra de test. Encore un son qui va faire jacasser les petites putes. Toutes les équipes de bras cassés qui me font ma petite pub. J'ai l'habitude, papy, ça c'est la street promo. Mieux que des stickers, dès lors que j'arrive avec des titres solo. Album zéro, version bêta, je prends la température. Sors les euros, j'ai la bonne cam, préviens les petites natures. Moi je te bibite de la pure, tu peux ranger ta caille. Chaque jour j'aiguise ma plume, car c'est ce qui me donne la graille. Envoie la thune, dans pas longtemps je lance une boule de fumée. Je déserte le rap qui t'a endossé le rôle du fumier. J'ai baroudé, j'ai déjà pas mal usé mes souliers. Mes semelles pleines de mer, c'est sur ta tête que je viens les essuyer. Yeah, pas la peine d'essayer de me salir. Je te l'ai déjà dit, j'suis déjà crade. Putain c'est grave, comment il faut te le dire. J'suis pas dealer, dealer, j'suis pas dans leur délire. J'suis pas le meilleur au pire, t'auras le meilleur du pire. Moi j'suis là depuis, mais voilà et tu sais pas toi. Des sales défaites au MJ, sorti du vent, toi. Ma sale dianage d'arabe, mon rap de sale race. Tu fais des hack grave avec tes sales faces. J'fais bande à part, bibi, j'avance en mode bâtard. Comme ça c'est dit, lâche-moi la bite avec tes tripes bizarres. Moi j'suis aigri de naissance, j'ai pris mes distances. J'aime pas grand chose dans ce que le peur propose. J'attends l'album de Toulisan pour kiffer du bon rap, c'est franc. J'joue pas les thugs, banane, en vrai t'es pas méchant. Ma nonchalant, sourire en coin, j'opère en dilettante. J'forcis mon calepin, ben, mon ami c'est le temps. J'ai pas le pistolet sur la tempe, non y'a pas le feu, y'a pas d'attente. Il me reste plus qu'à la créer, le peu de neurones qui me restent au service de l'écriture. Du bon vieux rap de test, des singles en guise de grosses blitures. J'ai quitté le bitume pour les studs, mon rap les orifie. J'arrive pour fourrer mon biroutard dans leurs orifices. Mon équipe de tête qui a bossé fait peur aux jolies filles. Un gros bourrin toujours eu du mal à la jouer fine. Et ouais j'file tout droit, tant pis si je me mange le mur. J'suis motivé, tout excité, ouais j'ai le manche tout dur. Ils me prenaient pour un mioche foutu, voué aux ateliers de soudure. Aucun de ces bâtards ne m'a soutenu. Ma vie des cascades, réalisée sans doublure. Au-dessus du crâne, j'suis recousu par des points de suture. J'suis revanchard, 2007, on repart au bon char. J'prends du genre arme, j'ai connu la disette. Mon art, toujours au top, toujours autant controversé. Influencé par les classiques qui m'ont trop bercé. C'est le son du Tiexon. Rimeur d'élite section. J'donne pas de leçon, j'suis trop bancal pour faire le mec droit. C'est le boxon dans mon bocal, c'est presque un exploit. Si j'arrive à écrire un texte qui soit pas sans que ni tête qui. À la belle quand j'ai le déclic. Ça fuse dans tous les sens, avec aisance cousin. J'suis pas une pince, t'as vu comment j'te mets bien. Baisse les couplets en 16, les structurer les refrains. Rien, non, vraiment rien de rien à foutre. Rien, non, j'ai rien de rien perdu de ma fougue. Tiens, du rap de chien pourri, 95 pétasses. Banlieue nord de Paris, le rap des chiens des favelas. Tu peux pas test, tu pues la merde, enfoiré, va te faire là. Rageux, haineux, grincheux, ça c'est tout à fait moi. Toujours à Valcheux, sur les principes chez moi. C'est maladif, ma tête bouillonne, yo demande à la mif. Relou de service, je dure à vivre, yo demande à ma mise. Envie de changer, envie de me ranger, mais j'ai du mal, je suis mal. Par moi-même, je suis plus, j'ai décevant comme le PSG. Et pourtant, je les supporte, avec moi c'est pareil. Je me dis que ça ira mieux à la prochaine journée. Moi, je me rappelle à l'ancienne, on disait tu verras. Un jour à deuil là-bas, on ramènera des caméras. Moi, j'oublie rien, pas comme certains qui ont des trous de mémoire. Ils voyaient rien, moi, je voyais loin et je les ai tous blébards. Mais ce qui c'est vite clébard qui fait des clés de bras. C'est compliqué, souvent l'envie de se barrer quelque part. Et tout plaqué, c'est tout claqué, moi zir ici c'est tard. Ici je m'égare, ici m'égare, mais t'as un boulard schlagué. Du matin au soir, c'est pas un mode de vie durable. Ça se tue la boîte, ça fume sa boîte, la piste du diable. Génération qui pète un câble, on est des sales chats noirs. T'évites les histoires, mais tu fais toujours à la trace. Dans ce fils de timbre de rap, est-ce que je suis à ma place? Fermez ma gueule, je peux hein, personne parle à ma place. Je vais faire que as, ou sinon je dégueulasse les murs avec mon blast. Mets de l'étrage avec des grosses couleurs. Baisse la R-tap, passe par les trappes, mais frôle au tap des petit panel michto, casse des dix sur les bas de caisse. Ok, ok, quand le trauma arrive à quai. C'est la patate, encore une défaite pour les GP. SR, essaie d'enrayer le phénomène. Rien à gagner, juste on se fait kiffer nous-mêmes. BBBPG, tu comprends pas le délire. Les initiés, les concernés ont compris ce que je veux dire. T'es bien 2007. Inquiète au moins, inquiète au moins, ça va le faire. Ou je me ferai lancer des tomates. Faut que je me mette au max, la tête de Wham. T'as pas fini d'entendre parler de ma sale gueule, enculé. Pourquoi t'as le seum? Pourquoi tu te chauffes la pipe? Rien qu'on me dégueule dessus, après on bouffe la bite. Putain, c'est ouf la vie, ralenti, ouvre la vite. Rafale de face, mon rap, c'est du drapaille shooty. Ok, bibi, c'est fait, c'est dit. Casse dédié à mes ex-potes et à mes futurs ennemis. Moi j'arrive les mains dans les fouilles, je suis hâle comme Bundy. Je les sceptiques attendent de voir ce que mon album dit. Si, si, si, t'es bien 2007. Hacker ton mic, 95 couces. DJ Cory à la prod. Pourquoi personne? Pourquoi personne? C'est le son du Jackson. Pourquoi personne? Pourquoi personne? Pourquoi personne? Pourquoi personne? Pourquoi personne? Pourquoi personne?